de moi. La la la la la la la. Parce que j'étais en pyjama. La la la la la. J'ai dit oh. Alors pour être sûr de toujours bien vous faire comprendre, faites